s'éteint sur l'oreiller à cause des congés payés pour les écrans de cinéma posés dans la rue parfois, pour les divas dévorés, pour les odeurs adorées, pour la mer car elle est gratuite et pour certains soirs de cuite, pour les vieux murs sous les affiches et l'herbe en friche. Merci. Je prends sans y penser, moi qui n'ai jamais fait l'amour avec un compte à rebours, pour l'audace et le courage de celles qui, à mon âge, ont su desserrer les coutures des générations futures, pour ce plaisir qui nous dépasse. Et voilà, voilà, we just listened to three songs. The first one was from Amel Bent with Merci Monsieur. Then it was Belinda Carlisle with Merci Chérie. And then Jeanne Chéral with Merci from her album L'eau from 2006. L'eau like the water. And we're going to keep on going all night about songs about merci and gratefulness and that sort of things. I mean, because it's Thanksgiving night, so week. So we'll be back next week with other songs. Maybe another theme or no theme, we'll see. But it should be fun too. So these upcoming songs are, the first one is from Christophe, the singer, who passed away not that long ago. And it's called Merci John d'être venu. Thank you, John, for coming. From his album Samurai. It's an old album, I mean, it's like 1960s or something like that. Flo de la Vega with Merci la vie, Thanks to Life, from his album Rêveur Forever. And Les Sœurs Marlowe with Action de Grâce, Merci, from their album Fêtons et Chantons avec Diadème. All right, on y va. D'un copain de mon village, nous avons dîné au milieu d'un champ de blé rasé. Fiancé faisait des beaux, tous bel habit de l'occasion, lorsque soudain les Beatles sont arrivés. Ils ont chanté, ils ont chanté. Sur une botte de foin, allez. Fiancé s'est consolé en mangeant un peu de pièces montées. Tout ça parce qu'un jour les Beatles sont arrivés. Ils ont chanté, ils ont chanté. Ils ont chanté, ils ont chanté. pas trop beau pour côté amour. Que ce soit la vie dans ce cœur de rade. Un beau jour, quelqu'un t'aurait pris ta femme. Comme c'est arrivé le premier jour. Les oiseaux qui chantent, merci. La musique qui enchante, merci. Pour la table bien garnie, merci. Pour mes parents, mes amis, merci. De ton sourire, merci. Pour ton effort que j'admire, merci. Pour tout ce qui vient de toi, merci. Pour tout ce que je reçois, merci. La chanson d'aujourd'hui, merci. Pour ce soleil de la vie, merci. Pour ces moments de douceur, merci. Pour ces instants de bonheur, merci. Et voilà, voilà. We just listened to three songs about Thanksgiving. And the reason we did is because

plus jamais au bureau.

Yeah. Ah, chance, bravo, yeah. Les gars. Yepa, trop cool. Excusez-moi, j'ai oublié le téléphone. Non, c'est gentil. Il n'y a pas de soucis. Tu peux me tutoyer ? Bah, ton téléphone, du coup. Bah, merci, à bientôt. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te nomment. Merci pour ce que tu nous donnes, pour le regard posé sur cet homme blessé, pour ce regard donné qui vient le réchauffer, ce sourire qui naît et vient l'illuminer, pour ces mains qui se serrent au-delà des frontières, ces mains hier colère qui se découvrent frères, ce geste de lumière qui féconde nos terres. Je veux te dire merci. Qui respire un nouvel avenir, le pas qui sait s'ouvrir et invite à partir, comme une porte ouverte, un appel à renaître. Pour cette envie de vivre, cet appel à te suivre qui nous prend, nous enivre et puis qui nous délivre. Page blanche du livre, comme quitte la rive. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. La confiance qui se vit en silence et s'offre en abondance en signe d'espérance, parce qu'elle est présence et porte la semence. Pour la voix qui s'élève au secret de nos rêves, pour ce chant sur nos lèvres qui jamais ne s'achève, parole qui relève et nourrit de sa sève. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour ta vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Je veux te dire merci. Numéro 5, celle-là. J'avoue, celle-là est cool. Tu as bien fait, tu as bien fait. Ça va bien se passer pour toi. Toi bien. Passe à nous, à la famille. Reviens, okay. Pas de problème. Hein? Je me tiendrai au courant, les gars. Ça marche. Porte-toi bien. Merci, les gars. Ciao, ciao, salut. Il va être chanteur, lui. Il l'a bloqué. Laisse-le. Franchement, ça dit tout. Laisse-le. Il s'en sortira jamais. Franchement, reste en vie. Je vous dis merci pour les sourires affichés. Sans aucune envie. Faut pas vous sentir obligé. Je vous dis merci. Tous ces ragots débités, mais l'hypocrisie, ça rend parfois dur comme l'épée. Je vous dis merci. Je vous dis merci de n'avoir pas franchement parlé. Ainsi va la vie, et grâce à vous, j'ai persévéré. Je vous dis merci. Tous ces coups bas, ces cranches pays, toutes ces larmes froides enfoncées. Dans mon dos meurtri, mon cœur s'est blindé. Comme ça, je survis. Je vous dis merci. Je reste sur ma route. Ma route. Je pense toujours droit à chaque de mes doutes. Je sens aux abois. Aux abois. Je reste sur ma route, j'assume, c'est mon choix. Ouais, ouais, avec ouais. Vous, sans vous, sans vous. Oui, c'est comme ça. Merci, merci. Je vous dis merci. Merci. J'aurais pu laisser mes rêves s'envoler, stopper ici. M'essouffler ou même ne plus espérer, tuer par l'ennui. Mais les mots curieux m'ont poussé, maintenant j'en ris. Mille fois merci, merci. Eh, eh, eh, eh. Je vous dis merci, maintenant je sais ce que signifie se sentir trahi. Quand l'eau de mes yeux jaillit, inondant mes nuits. La rage, mon frein sursit, et j'en sens grandir. Tout ça, merci, merci. Je reste sur ma route, ma route. Je pense toujours droit à chaque de mes doutes. Je sens aux abois. Je reste sur ma route, ma route. J'assume, c'est mon choix. Ouais, ouais, ouais. Avec vous, sans vous, sans vous. Oui, c'est comme ça. Je reste sur. J'aurais pu laisser mes rêves s'envoler. Je vois à chaque cœur mes doutes. Ou même ne plus espérer. Non, non. Je reste sur ma route. Ma route. J'assume, c'est mon choix. Avec ou sans vous. Sans vous. Oui, c'est comme ça. Que serais-je devenu sans lui? Et qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Je ne serais qu'un inconnu perdu. Toujours du mauvais côté de la rue. Je n'étais encore qu'un enfant. Lui était au firmament le plus grand. Je voudrais lui merci pour ce qu'il m'a appris d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Il était ma seule chance de fuir la vie.

tout ce grand bonheur que tu mets dans ma vie quand tu es près de moi. Merci pour cette mélodie que tu m'inspires pour nous deux. Et ce cortège de couleurs qui danse devant moi quand tu es dans mon lit. Mon corps de 20 ans qui vivra avec mon corps ce grand brasier d'amour. Merci pour tous ces mots d'espoir, ta tendresse et ma joie quand tu es dans mes bras. Merci pour ces journées entières et ces nuits sans sommeil à penser à nous deux. Merci, je te redis merci pour tout ce que tu fais pour me combler d'amour. Bon Dieu, c'est où seul qui connaît, ça dit me va broter, je dis à ma chanter. Merci pour tout ça fait pour moi, mais tout le monde que je t'aime, ou même pour mon ma soeur. Merci pour l'amour qui est au bon moi, qu'à ce fait, je dis ça. Pourquoi j'aime pas monter? Merci, cent fois, mille fois, merci. Car l'amour pas détruit, même s'il fait mon souffrir. Merci, ma pépétée, merci. Pour tout ça fait pour moi, pour changer vivre en bien. Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. So we just listened to three songs. The first one was from Ken V with Merci, then MC Solar with Merci, and De Rose NC with Merci just now. So we're going to keep on the theme of Merci, thankfulness, gratefulness, thank you. And we're going to listen to more songs. But before that, I'm going to talk a little bit about the events coming up. So this week is pretty quiet. There's absolutely nothing going on except Thanksgiving, and that's probably why. So the next event that I'm aware of is Thursday, December 5th at 6 p.m., between 6 and 7 p.m. is the guided tour of Sophie Calais exhibit at the Walker. And it's going to be in French with Martine Sauré. So it's organized by the Alliance Française. The Facebook event is on our page, is on their page. Facebook page, I mean. And you can also get information at afmsp.org. And there's going to be tickets, and there's a different price depending on whether you're a member of the Alliance Française or not. So that should be very nice. And you have a description on the Facebook page too, as well. Then on Saturday the 7th, December 7th, so in 2 weeks, it's going to be Petit Dej. And it's between 9:30 and 11:30. It's at the Alliance Française itself, also organized by the Alliance Française. So it's at 227 Koufax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it's a French conversation group. It's casual. There is no cost. There is usually some treats, some coffee, and a lot of people to have conversation or just to listen. You just pick a table and, you know, listen to people. Then the same day, from 9:30 to 12:30, it's going to be Le Marché de Noël. So still at the Alliance Française, so afmsp.org. If you want more specifics, and I invite you to either go on the website or on the Facebook page, because this is a description of a lot of the vendors that are going to be there. So, like handbag, pottery, scarves, candles, jewelry, yeah. So that should be nice. And it's at the same time as the Petit Déj, so that should be, killing two birds with one stone. The vendors will donate 10% of the sales to the Alliance Française, so your shopping can support a non-profit cultural and social programming bringing French language events to the Twin Cities. So afmsp.org. Now, it's a little bit further, but because it's an event that's is highly anticipated. I'm talking about it right now. It's on Friday, December 13, from 6 to 8. It's La Fête d'Hiver de l'Alliance Française, winter celebration for the whole family. Still at the Alliance Française, afmsp.org and 227 Koufax Avenue North. There's a cost, and individual tickets and family with kids under 12, you know, there's like a bundle price, but there's going to be Santa, and there's going to be a lot of things going on. There's a movie that will be shown in French with English subtitles and that sort of thing. So there's going to be Vin Chaud and Bûche de Noël and music with the kids, and that should be fun. So afmsp.org or the Facebook page. And then after that, for the grown-ups, once the kids are in bed or taken care of, Falala Orala dance party with DJ Jake Rude. He has to be 21 plus, and it's in the same place. So, a Christmas dance party, but it make a bit of French. Join DJ Jake Rude and dance to the mix of the favorite French and English songs with Christmassy touch. And And Jake Rude is great. Not Jake Great is rude. Jake Rude is great. And yeah. All right. And that's about it for now. We're going to listen to Bignon with Merci. Then Johnny Hallyday. We were talking about Jean-Baptiste Guégan. Here's the real Johnny with Merci from an album called Derrière l'amour from 1976. And Iri Révolté, with Merci. And the name of the album is Mouvement Mondial from 2010. On y va. La vie m'a appris à apprécier que je reçois chaque jour, parce que quelque part il y a quelqu'un qui

انتي قلبك مروه انا حاسه بها حلوه قلبك قاسي كل شي فيك بلوه مرتك في كتافي ساعه خرجتي عدوه Voilà, voilà, we just listened to three songs on Bonjour Minnesota on KFI Radio. The first one was from Florent Pagny with Merci, Maxence with Merci featuring VSO, and just now was Cheb Oussem with Merci Beaucoup. And I remind you that if you go to KFI.org on the upper right corner, you can click on playlist and see what is playing as it goes. And after that, when you go to Bonjour Minnesota on the programs, when you go to the details of the show, you can listen again to the show because it's archived for 2 weeks. But you can also see the playlist. So if you wonder what played at 9:33, well, nothing because I'm talking. And there are also, all the shows are also stored on archive.org. Which has been the victim of a ransomware and cyber attack, and and it's a nonprofit in San Francisco, and they are storing a lot of things that are very valuable because they keep track of the web, but also like some other things that are like in the public domain, and all the Bonjour Minnesota radio shows are on it. I mean, at least all the ones that I could recover. So since 2012. And the French Influences Radio Show Therapy are also there, from show number one to the 144 that came out recently. And the 145 will come out the first week of December. The 144 was about the soundtrack of Emily in Paris. The 145 will be more of a variety of what I got recently from Bandcamp. talking about Bandcamp, the first Friday of December will be Bandcamp Friday. And what does that mean? Well, you're paying the same price, but more money is going to the artist's pockets. Bandcamp started waiving their fee on that Bandcamp Friday during the pandemic. So that, yeah, it's always good for the artists to have more money in their pockets. And Bandcamp is, according to some friends who are artists, is a good platform too. And like Spotify, who like pay them almost nothing. So we're still going to be grateful, like now, for Bandcamp and other things. We're going to listen to Laetitia Sadier with Merci de m'avoir donné la vie. And then Frédéric François with Merci encore et encore. Thank you again and again. Merci de m'avoir donné la vie means thank you for giving me life. And Tim Dupe with Merci et à demain. Thank you and see you tomorrow. It's from his album Les Immortels from 2023. On y va. And follow us on Facebook and social media.

mais jamais de rancune. Ce serait comme dire à la lune, je t'en veux, tu n'es que grise, noire et blanche. Au contraire, je rêve de mer, de bleu et de l'astre qui penche. Merci et à demain, retrouver le bouquet rond et chaud de l'été. Et le vent et la nuit, les chênes kermesse, les genévriers, les fleurs de bagarre et le linge étendu sur les toits de Guimarès. Tout part à volo, tout brûle, mais apparemment rien ne presse. Merci et à demain, se gonflent les égaux comme des ballons d'hélium. Où s'envolent et s'éclatent montgolfières à la cime, c'est la vie des âmes. Que fait-on de ce legs tendre qu'on emprunte sans remettre? Qui cueillera les fleurs s'il ne reste des brûlures que les vapeurs ont miettes? Merci et à demain, et fatigué du monde, je délaisse l'endroit où l'on sourcit de peur, méconnaissant de l'autre, ce qui le rend comme toi ou moi. Merci et à demain, à la roche du réel, j'adosse ma petitesse. Puisqu'on s'en fout, je me questionne. Qui a tiré sur la tendresse? KFAI is proud to present Lemon Bucket Orchestra at the Cedar Culture Center on Thursday, December 5th. The Lemon Bucket Orchestra are Toronto's original Slavic Balkan klezmer party punks. The multi-award-winning ensemble has been heralded as a groundbreaking, genre-bending phenomena by media and fans alike. Opening the show is local ensemble Ukrainian Village Band. Tickets for the Lemon Bucket Orchestra can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, voilà. I am back. Maybe for the... Not quite for the last time. Yeah, maybe for the last time. Because we just listened to three songs about Merci, thank you. And I have three more, but I don't know that we'll finish the last one. We just listened to Laetitia Sadier with Merci de m'avoir donné la vie. Then it was Frédéric François with Merci encore et encore. Frédéric François is one of my mom's favorite singers. And Tim Dupe with Merci et à demain. Thanks and see you tomorrow. We're going to listen to three more songs to close the hours. And Balkan Jamboree will be there at 10. We're going to listen to Mickey 3D with Merci la vie, thanks to life. Dominique Sylvain with Merci la vie. It's from his album Salsa Creole. And we may have a little bit of time for Gwendoline with Merci la ville, thanks for the city. And we'll be back next week. Have a happy Thanksgiving, safe driving for those who drive. And bundle up in Minnesota because it's going to be cold. I don't care, I'm going south. All right, c'est parti and au revoir.

alors pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te prends la tête? T'en sortiras pas vivant de toute façon. Moi je voudrais te dire un mot. Petit oui tout petit mais bon. Petit tout petit tout petit mais bon. Questions quand c'est le temps. Moi je voudrais te dire un mot. Petit oui tout petit mais bon. Petit tout petit tout petit mais bon. C'est la